Eh, grosse dédicace à Tar, hein. Eh, merci, ta coiffure, hein. Je prends steak, foot, maillot chez Tar. Je me fais un gros pétard. J'ai fait la coupe chez Tar. C'est sous yo-yo, j'tar. Pendant qu'il y en a qui font les stars. Ils ont plus le même regard. Y'a tout le monde qui veut une part. Chez nous y'a la frappe que tu trouveras nulle part. J'arrive au réseau alors j'éteins les phares. J'vais tirer de barre, jette mon mal à barre. T'as fait des dingueries, après t'es mal à la barre. T'as faute et tu nies, j'vais demander la barre. J'évite les BDH et les gens trop bavards. Toujours pareil, je tourne comme un fou. Pendant que ça critique, j'écris des titres. M'en fous, on aime vite. Si t'es jaloux, j't'ai vite. J'suis pas des bites pour avoir du buzz ou pour faire des feats. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui paieraient pour avoir des feats. Mais j'l'ai mis où les shit? On en est où dans les chiffres? Allez, chute. Ça fait le signe tout le même en Égypte, hein. À un moment donné, le quartier faut l'abandonner. Faut faire des gosses, c'est ta femme, faut la pomponner. Si le rap c'est la fête foraine, faut tous les tamponner. Je suis cramponné, j'arrive de pied en l'air comme quand on a. On se plaint quand on a rien, on en veut plus quand on a. On tape chose, pour ça qu'on est bien quand on finit deuxième du championnat. Elle veut un pavillon, elle aimerait que tu passes ton permis avion. Et quand tu la fourres trop, elle voit des papillons. Elle aime le maquillage, elle veut que tu l'amènes au bord de la mer. Manger des frites avec des coquillages. N'invente pas, tout ce que tu dis c'est pas réel. Qui a dit que dans le 13 c'est mort, c'est un Marseillais qui gère le Real. Hey, j'écris ce texte à la publicité Coleman. J'suis passé par la corniche, putain ils ont levé le Pullman. Au bord de la route, j'vends mon Vitago, j'm'en fous de la Vitago. T'as vu ta gueule, envie de prendre un coup taqué. Dans la vie René taqué, tu parles de qui? J'vais revenir comme ta ken, j'vais faire comme dans tes ken. J'ai atteint le milliard de vues, j'ai toujours pas changé de dégaine. J'arrive dans le rap comme Khalid Smith, rentre et que tout le monde fait la chave. Fais-toi marcher dessus deux fois et du groupe ils diront que t'es la chef. J'suis tellement haut que j'arriverai jamais, le chemin est tellement. J'suis dans la forêt, la connexion est tellement lente. Et dans la zone, j'fais dormir le pitch, j'm'endors avec le bête. Et j'l'appelle le sang comme si c'était le pote. J'sais cabré avec le XADV. J'enroule un gros, regarde si c'est pas eux devant. On m'a dit la famille, gros, y'a que ça de vrai. Les amis et les femmes, tout ça c'est décevant. J'ai plus à dire, tu sais d'où ça vient. Ça va, gros, j'sais pas où t'as touché, mais ton shit est plus sapin. Et fais pas celle qui est bonne quand tu lèves ton soutif, ça pend. Et quand je suis au studio, tu sais très bien que des hits ça pend. Moi j'mets pas de PEP, moi j'mets pas de loup boutin. Moi j'mets claquette d'épée, j'dis azique, j'des requins. Tu veux faire des records, va au sud, faut réquer. Donne-toi à fond que tu fasses du rap, du rock, et ouais, du reggae. J'fais des kilos, kilomètres avant qu'il ait au mic. J'suis arrivé de nulle part, sur Facebook mes premiers likes et surtout mes premiers jaloux. Au début ça me vexait, j'avoue. Maintenant depuis, j'peux même plus me poser à sincère les lecs. J'suis cramé quand j'prends des locks. Elle te plaît, la petite est locale. Elle te dit sortir à moi, elle veut faire l'amour devant un lac. Là ça va toucher, vers le nord ça va bouger. Ça me demande des photos sur l'autoroute, c'est tout bouché. Par contre, moi je mets pas de Gucci, mais j'hésite pas à sortir la teuteux. Quand je vais chez le boucher, je suis dans un monde. Et tu te demandes pourquoi je suis pas à la mode. Je peux monter menthe, je démarre tes max, on dit tes max. Je fume la moumoux, ça des ben ex. Tu t'ailles ex, tu croises ton ex. Elle se vexe, alors next. Alors next, ok. Bah il se fait tard. Je prends sa clip maillot chez Dar. Je me fais un gros pétard. J'ai fait la coupe chez Tar. C'est sous yo-yo, j'tar. Pendant qu'il y en a qui font les stars. Ils ont plus le même regard. Y'a tout le monde qui veut une part. Chez nous y'a la frappe que tu trouveras nulle part. J'arrive au réseau alors j'éteins les phares. Je vais tirer de barre, jette mon mal à barre. T'as fait des dingueries, après t'es mal à la barre. T'as faute et tu nies, je vais demander la barre. J'évite les BDH et les gens trop bavards. Et merci la zone, hein. Hey, que ça kick en live, hein. Merci la zone, merci la zone.